Donc je vais, on va entendre donc Lionel Cefoloni, qui est membre de l'atelier géopoétique du Rhône, qui a travaillé naguère sur la géopoétique dans le champ poétique français contemporain, publié D'un hiver à un autre, en 1996, et Le Grillon de l'automne à l'atelier du Héron à Bruxelles, vous trouverez ici. En 2004, il a vécu 7 ans à Lyon, où il avait fondé le premier atelier du Rhône, avant de partir 7 ans en Guyane. Avec Yvan. En Guyane, à ce propos, donc prochaine parution en novembre de cette année, L'éloignement, voyage au pays sans nom, qui est en retour sur cette expérience guyanaise. Il vit aujourd'hui depuis 7 ans dans un petit village de montagne en Savoie, d'où il considère la ville avec distance et bienveillance. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment très très très heureux d'intervenir après cette communication magnifique sur Nagai Kafou. Il se trouve que je vais parler de Jacques Reda, qu'il y a des liens très forts entre ces deux œuvres. Je n'aurai évidemment pas le temps de les explorer, mais ça fait vraiment sens que de parler de Reda après Nagai Kafou. Et on va parler de la nostalgie, justement. Donc je vous invite à une petite promenade en compagnie de Jacques Reda, qui est à son corps défendant devenu en France une sorte de référence dans ce domaine un peu atypique des lettres que constitue la flânerie périurbaine. Lui-même se qualifie parfois de polygraphe, avec un I, l'écrivain de la ville. Même s'il a aujourd'hui pris d'autres directions et s'est remis, je le cite, à fabriquer de la poésie, il a consacré de très nombreux ouvrages à ses déambulations dans et autour de Paris principalement. On peut notamment citer Les ruines de Paris en 1977, L'herbe des talus, Le sens de la marche, La liberté des rues, Le citadin, Accident de circulation, Le 20e me fatigue, c'est le 2004, on sent que ça commence à être la fin, Pont flottant, 2006, et pour terminer, Recommandations aux promeneurs, en 2010. Tout au long de ses ouvrages, Reda se démarque d'une approche sentimentale, aussi bien que surréaliste, de la ville, pour déployer une poétique qui est essentiellement centrée sur le dehors, et qui peut évoquer une démarche géopoétique. Comme l'écrit Jean-Claude Forget dans un essai qu'il consacre au poète, il s'agit moins pour Reda de décrire ou de raconter que d'entrer en contact, de faire corps avec l'espace, de se rendre disponible, toute antenne déployée, pour capter inlassablement dans son renouvellement inépuisable ce qu'il appelle lui-même le flux phénoménal offert par l'espace du dehors. Après m'être interrogé sur les raisons qui ont pu pousser un écrivain français à quitter son bureau pour aller savater ou pédaler des années durant à travers les rues, ça n'est pas si fréquent, je tenterai de voir de quelle manière et dans quelle mesure il parvient à entrer en contact, à faire corps avec l'espace, à retrouver et à exprimer finalement un sens du terrain dans un contexte urbain. Comme il ne s'agit que d'une promenade, mon propos sera pratique, descriptif, sans grande ambition théorique, mais je sens néanmoins que quelque chose peut débuter ici comme une sorte de navigation. Je sens qu'une navigation débute. Il faut tenir compte du vent. Je parle d'une sorte de vent mental sur lequel j'ai peu de prise. Jacques Reda, dans Le Citadin. Quelques mots en préambule pour éviter d'éventuels malentendus. Jacques Reda n'est pas un amateur de promenade, ni même un amoureux de la ville. Disons de la ville fonctionnelle, distrayante, patrimoniale, pittoresque. Du pittoresque, on n'a aucun besoin, je le cite. On veut surtout de l'espace. S'il témoigne de son émerveillement, c'est peut-être d'abord pour dire l'état second où le plonge le spectacle d'une nature encore un peu sauvage. Il sait parfaitement cette espèce d'hébétude dans laquelle semblent errer nombre de citadins qui, je le cite toujours, ont cessé de percevoir la ville présente devant leurs yeux. Elle est vraie, on pourrait en dire autant de beaucoup de campagnards. Il reconnaît que marcher dans la ville n'est pas de tout repos, qui rouler exige une attention indiscontinue, peu propice à la flânerie. On risque à tout moment de finir écrasé par une voiture, comme c'est malheureusement ce qui est arrivé à Jean Follain, des plus grands poètes de la flânerie urbaine parisienne, qui est mort en 1971, renversé par une voiture. Même s'il fait la plupart du temps montre d'une très grande empathie vis-à-vis de la ville, parce que tout endroit mérite attention et déférence, on l'entendra, de loin en loin, invectiver les voitures. « Roulez, je leur crie, tas d'anathèmes, roulez, en puanticellaire, bloquez les périphériques, Vous n'empêcherez pas le vent, qui sent déjà la neige et le poil de loup, de souffler. On l'entendra aussi protester contre les promoteurs et les aménageurs qui attendent à la majesté de l'espace. On l'entendra encore dénoncer le repli d'une architecture qui tourne le dos au lieu, une architecture non située. Je le cite encore, trop de facilités techniques dans l'art, c'est pour toi, trop de facilités techniques dans l'art aboutissent à la gratuité d'un acte esthétique n'abritant plus que soi, sans lien organique avec le sol, déplore-t-il dans bon flottant. Dans le sens de la marche, il estime que les villes ne servent qu'à se décrasser de la poussière des chemins et à se déprendre un peu de la solitude qui ensauvage. Mais qu'en fait, il vaut mieux que le voyageur les évite parce que dans la fluidité de l'étendue, elles introduisent comme un grumeau d'espace fermé sur soi. Il fait part enfin de sa consternation croissante devant l'évolution des banlieues et va jusqu'à souhaiter troquer son vélo contre un tank. Reda n'est donc pas un urbain béat. Mais ses protestations sont en fait extrêmement rares dans son œuvre. Reda écrit avec la ville et pas contre la ville, ou alors il n'écrit pas. Il faut ici très brièvement s'interroger sur ce qui fait courir et écrire Reda et qui est en lien avec la nostalgie dont on parlait à propos de Nagai Kafou. Si la question lui est posée, lui, il va dire que les hasards de la vie ont fait qu'il a habité Paris et que tant qu'à écrire, autant le faire à partir du lieu où on habite. Plus profondément, il apparaît que l'attention portée en dehors a été pour lui une manière d'ouvrir une brèche, de tenter de dépasser cette inquiétude fondamentale face au temps dont tous les poèmes des débuts témoignent. « Cherche, mon vieux, cherche l'espace et la chance que le temps a mis à ta disposition. » C'est cette idée-là qui ouvre le premier chapitre des ruines de Paris. Le désespoir n'existe pas pour un homme qui marche, à condition vraiment qu'il marche, et ne se retourne pas sans arrêt pour disputailler avec l'autre, pour s'apitoyer, pour se faire valoir. Si Reda se met en route, c'est avec gravité, sans en avoir tellement et superficiellement envie, parce que ce serait agréable. Les départs sont souvent présentés comme de vraies corvées. Et ce n'est pas non plus par nostalgie, à la recherche du Paris d'autrefois par exemple, que cela ne soit pas entendu comme une critique ou une distinction par rapport à Nagai Kafou. La puissance d'évocation de l'ancien Edo par Nagai Kafou est d'une telle intensité qu'on traverse la nostalgie pour arriver à un sentiment du territoire qui est pleinement vive et présente. Et je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, une démarche commune dans ce dépassement de la nostalgie, une nostalgie sans tragique, qui est une nostalgie de l'intensité et du tremblement. Reda dit « Je ne tiens pas à macérer dans les regrets du passé. Ce n'est pas une nostalgie qui me porte à rechercher les vestiges. Leur persistance me frappe plutôt comme une sorte de promesse. » La promesse de quoi ? Promesse d'un temps apaisé. Peut-être que rendrait possible un lien renouvelé avec le monde. Ce qui l'intéresse, et je le cite toujours, c'est de rétablir avec l'eau, avec le vent, avec l'espace, avec la terre, des liens de respectueuse ferveur. Or, c'est en ville que Reda habite. C'est en ville qu'il a découvert cette qualité de présence au monde qu'évoque Georges Amar quand il parle des sensations de monde. C'est cette expérience fondatrice qui est évoquée aux premières pages des ruines de Paris, qui est son ouvrage fondateur. De chaque côté, cet épouvantable trafic de bolides pleins de faux crânes vides, aux yeux vides, braqués sur la mort. De chaque côté, ce vacarme épouvantable que je n'entends plus, qui n'a pas vraiment d'existence, car ma tête, un soir, s'est ouverte au silence de Paris, silence du ciel. Silence du gris, silence de la longue avenue d'herbe sous les branches basses qui se rejoignent entre le fleuve silencieux et cette illusion de moteur. Les enjeux étant, je l'espère, précisés, reste à savoir dans quelle mesure la ville peut permettre à une telle expérience de se déployer. Formulé autrement, comment faire de la rue un chemin, comment faire de la ville un monde. Alors le premier point, c'est peut-être d'arriver à refaire trembler la ville. Ces moments et ces lieux, et on vient d'en parler, qui font trembler la ville. Reda ne livre aucun manuel, aucune méthode. Il expose les résultats d'une expérience personnelle dont chacun peut ou non faire son profit. À partir de ces comptes rendus d'expérience personnelle, on peut néanmoins livrer quelques pistes. D'abord, là où la ville n'apparaît plus que comme un grumeau d'espace fermé sur soi, une forteresse de fixité qui coupe l'homme du monde, il convient de rétablir le sens du mouvement, du flottement, du tremblement. Certains moments de la journée, certaines saisons, certaines périodes de l'année sont particulièrement propice à cela. Ce sont, je cite toujours Reda, ces saisons mal apprivoisées de février, mars, novembre, où les rues creusent comme dans une lueur d'estuaire de sable. À l'échelle de la journée, c'est surtout le soir. C'est l'indécision du soir qui m'ouvre cette étendue, toujours pourtant mêlée aux pierres et aux fracas de Paris. La moindre image se charge alors d'une puissante sensation d'impermanence qui m'évoque infiniment Nagai Kafu. Et je pourrais faire tout un parallèle, mais voilà, je n'insiste pas. Plus question dès lors de se précipiter d'un point à un autre avec en tête un projet qui annule le chemin. On flotte, on dérive. Rien ne vacille, ni surtout les piliers dont on éprouve l'appui massif. Pourtant, cette impression de flotter subsiste. L'espace qui enveloppe des existences troublées ou paisibles, on ne sait plus bien si l'on y flotte ou si on le contient. Indépendamment de la saison et de l'heure, certains lieux sont en eux-mêmes transitoires et riches en sensations de monde flottant, si j'ose. Ce sont tous les lieux de passage que Reda affectionne particulièrement. On pense évidemment aux gares. Même quand une ville a fini par l'englober presque complètement, sa gare, par la trouée des rails, reste reliée à l'espace. On le verra aussi bien assis le dos contre un mur, en face d'un mur, sur le trottoir. Ou en faction à la station de métro Bir Hakeim, qu'il évoque en forçant un peu la métaphore, je dois dire. Mais au début, c'est les ruines de Paris. Après, il se méfie des images. Je ne me fatigue jamais de contempler le trafic des rames bleues presque silencieuses, identiques pour l'oreille au vent qui effleure des bouleaux, mais encore moins d'attendre sur le quai même qui s'emboîte dans le flanc de la colline. J'attends, car il est agréable de prendre pour lieu de villégiature du numéro 2, un endroit d'habitude réduit à sa fonction de passage et en quelque sorte annulé dans l'acte de partir, d'arriver et de partir par tous ces gens distraits. Ailleurs, on verra Reda s'installer à une terrasse de café, assez rare, ou emprunter des itinéraires bagnodeurs, je le cite, ou au contraire possiblement des plus directs, mais un peu insolites, parfois périlleux, tels que ceux des voies de chemin de fer désaffectées ou des berges des canaux. Les lieux déshérités ont sa préférence, avec une mention spéciale, je ne vais pas tous les évoquer, juste deux, pour les chantiers et les terrains vagues. Dans le chantier, quelque chose se laisse lire de l'acte fondateur de la ville et de son activité interne, comme la forêt, la ville, vie d'effondrement brutaux, de reconstruction patiente. Chaque démolition rouvre en la ville une béance qui permet une redécouverte. Je le cite. Il arrive qu'on abatte, en moins d'un jour, tout un vieil immeuble et hier soir, une de ces lacunes imprévues me déséquilibra presque physiquement. De l'autre côté du chantier, resté sans palissade, les maisons d'une rue et d'une ville se dressaient. Pardon, j'ai oublié le mot le plus important. Les maisons d'une rue et d'une ville inconnues se dressaient. Quant aux terrains vagues, ils sont la négation même d'une vision fonctionnelle, figée, maîtrisée de l'espace urbain. Jean-Christophe Bailly, dans La phrase urbaine, citant à leur propos Rabekenko, voit en eux les gardiens de l'imperfection et les témoins de l'inachèvement. Si Kenko disait que, dans une construction, une place réservée, sans usage défini, est à la fois agréable à l'œil et utile en mille occasions, il conviendrait, cette fois-ci je cite Jean-Christophe Bailly, il conviendrait de ménager de la sorte un art de la parenthèse et du suspens qui vaudrait pour la maison, comme pour la ville entière, et que Paris, ville si serrée et si condensée, devrait méditer. Reda ne dit pas autre chose, et il va même jusqu'à proposer la création d'une union pour la préservation des terrains vagues. C'est un chapitre assez hilarant des ruines de Paris. On risque cependant d'en rester à un jeu d'analogie entre le monde naturel et le monde urbain, ce qui fait la part trop belle à l'image poétique. Manier des métaphores permet de modifier, d'affiner, d'élargir la vision, mais ça ne permet pas de se métamorphoser. Il faut aller plus loin. Ce que me semble dire Reda quand il précise que le terrain vague n'est pas un lieu d'agrément, mais se déploie, je cite toujours, comme un lieu de méditation. Il faut apprendre à voir la ville tout entière comme un plan de méditation, la rue comme un chemin. C'est le deuxième plan. Deuxième point, la ville comme un plan de méditation. Observer, arpenter, contempler ne suffit pas. Il arrive qu'une obsession de transmutation urgente nous possède, à force de le contempler, passer du côté du spectacle, entrer dans la substance aveugle. C'est dans les ruines de Paris, mais je pourrais citer mille autres phrases comme cela tout au long de l'œuvre de Reda. Il parle ailleurs d'être au bord de se changer en cela même qu'on regarde. Et pour faire ce travail-là, pour ce faire, le travail méditatif doit être poussé le plus loin possible. J'aime bien parler de travail méditatif pour insister sur l'aspect actif de la méditation. Ce travail-là permet d'ouvrir en soi un espace de disponibilité ouverte et bienveillante à tout ce qui survient. Sans un travail comme celui-ci, on reste plus ou moins englué dans les pièges du grouillement ordinaire de son aquarium intérieur, Jacques Reda. Il faut déblayer le terrain mental. Et Reda, lui, parle très souvent de déblaiement. Il se compare à un balayeur. C'est un chapitre célèbre. Reda, cependant, se gausse de ce qu'il nomme un peu vaguement les exercices spirituels. Il prend ses distances à chaque fois que lui viennent des mots tels qu'extase. Ça ne l'empêche pas, par ailleurs, d'avoir très ponctuellement recours à des termes tels que temple, dieu, divin, et même paradis, pour évoquer une qualité particulière de présence au monde. Le terme lui-même d'exercice spirituel ne désigne que le refus de Reda de s'intéresser à plus près à des pratiques extralittéraires ressenties comme exotiques, alors qu'il a déjà sa pratique à lui. Écrire, déambuler, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille en plus aller se mêler de faire zazen ou tout autre équivalent. Il a déjà sa pratique. C'est aussi pour lui une manière de dire son refus d'enfermer l'insaisissable de l'expérience dans des pratiques, dans des idées, dans un lexique fixé d'avance qui peu ou prou finissent par devenir du théâtre. Et il se méfie énormément du théâtre. Je pourrais donner là encore bien des citations. Parfois, rarement, on le surprendra en train d'ébaucher les prémices d'une méditation en posant son attention sur le souffle. Il décrit cela, une fois, en beaucoup de pages. Mais ce déblaiement mental se fait dans le tumulte de la vie. Il y a là, je le souligne au passage, un vrai risque. Marcher en ville peut favoriser un mouvement de dissolution, de dépersonnalisation. Tous ces visages partout, mais on ne sait plus qui on est. La campagne, moi... Je suis dans la montagne, je sais qui je suis. Là, tous ces visages, je ne sais plus qui je suis. Mais l'attention se trouve facilement accaparée et ballottée par des signes secondaires tels que les affiches dans le métro. C'est une horreur. Pire, on est tenté de chercher partout du sens, des significations cachées. Ainsi de Reda, quand il se met à tracer un triangle à partir des lieux de trois chutes successives, il cherche le point central. Ou bien il est obsédé par, je cite, plusieurs fourgonnettes des entreprises SOS Cintre et le plafond perdu. Il faut apprendre à évoluer dans un monde dépourvu de signification transcendante et un monde où les signes se suffisent à eux-mêmes. Je le cite. J'ai eu du mal à me convaincre que ces signes ne signifiaient rien et que cette non-signification ne sous-entendait pas un non-sens de ma propre existence et de l'ensemble urbain où le plus souvent elle s'accomplit. Reste que c'est en s'abandonnant au hasard des rues, en se laissant remuer par les rues, que Reda atteint à une expérience ponctuelle, à une expérience méditative de la ville et de l'espace. Il me semble que ce sont les rues qui se déplacent et je me laisse remuer. Parfois, ce déblaiement, ce remuement est douloureux, est déstabilisant, est angoissant. On reçoit comme un coup de poing d'éblouissement de fatigue. On se trouve exposé et ça n'a rien de plaisant. L'usure, cependant, devient notre allié. Et je noterai ici au passage la grande proximité entre Nicolas Bouvier et Jacques Reda, qui étaient amis, qui se connaissaient bien. 60 ans, on dirait du Bouvier, 60 ans de cette vie m'ont usé jusqu'à la trame. On peut voir à travers, je ne fais presque plus obstacle dans l'espace. De nouveau, le processus de dissolution s'est mis en marche. Il faut se préparer à disparaître encore un coup. Je me soumets, je ne veux plus remplir mon sac. Je me contenterai de passer comme le bruissement des feuillages, le sillage des oiseaux. Le déplacement facilite les choses. Le sentiment de perdre son identité propre peut aussi ne pas être violent. Il arrive que, juste à force de marcher, on perde le sentiment de son identité propre. Je cite toujours Reda. Au bout du compte, le plus important, c'est que, par moment, une connexion s'établit entre soi et le monde. Je n'étais plus un passant particulier, en ce point particulier de la ville, mais une simple faculté de saisir ma coïncidence fugitive avec lui, comme si ma distraction lui avait ouvert ce passage de conscience à l'ordinaire encombré d'un crépitement de mots et d'images personnelles, d'obstacles, dont le choc de ma rencontre avec la place avait parachevé le déblaiement. Il faudrait relire ça au moins 5 ou 6 fois. Mais je ne peux pas, sinon je suis encore là ce soir. On est d'accord. La vitesse relative du vélomoteur, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le cliché, hein, Jacques Reda, c'est sur un vélomoteur qu'il se déplace principalement, même s'il n'aime pas quand on lui rappelle ça, ça fait au moins 20 ans qu'il ne peut plus monter sur un vélo. La vitesse relative du vélomoteur ou du train favorise ce mouvement de disparition-apparition, cette connexion. La vitesse, de temps en temps, assure une connexion entre ce qui se déroule à toute allure dans l'esprit et les opérations que le monde effectue de son côté. Quand la connexion est établie, la rue est un chemin, la ville peut être un monde, et c'est le point suivant, quand la ville fait monde. Je présente comme des étapes successives, et c'est très caricatural, ce qui dans l'expérience, comme dans les livres de Reda, est évidemment mélangé. Il n'y a pas de progression linéaire, bien entendu. Il me semble néanmoins que c'est à partir de ce point de vue impersonnel et anhistorique que Reda regarde et écrit la ville. Comme tout peut être. Il y a parfois des moments de repli, il y a des moments de décrochage où l'intimité revient, ou bien où il se raccroche à des observations, à des informations anecdotiques qui sont aussitôt dénoncées comme telles. Évoluer dans l'ouvert de la ville, et comme en dehors de soi ou au bord de soi, demande une grande énergie, une certaine capacité à s'abandonner. Il faut accepter de dépendre de l'espace, de s'en remettre à lui. Mais la plupart du temps, c'est bel et bien le monde qui apparaît à travers ces évocations de la ville. Cela se traduit d'abord par ce recours à des images puisées dans le vocabulaire de la nature, dont j'ai pointé tout à l'heure les limites, mais qui me semble en fait pleinement et profondément justifié en tant que manière de rendre compte de cette vision plus vaste qui est celle du poète. Après avoir marché dans une lumière qui ne laissait filtrer aucun repère, Reda voit s'ouvrir une avenue et au bout, il y a un dévalement abrupt de prairies, de bosquets encore ruisselants de nuées de violettes et un horizon d'iceberg qui marque la fin du monde connu. Ailleurs et souvent, Reda est sensible à l'ivresse de l'horizontalité. Cela se traduit aussi, je passe rapidement là-dessus, ça me semble évident, par une immense empathie vis-à-vis de toutes les formes de vie qu'on voit en ville, comme les pigeons. On parlait hier en balade. Je ne les trouve pas laids, si l'on y prend garde, il y a beaucoup de subtilité dans les nuances de leur plumage brun et gris, auxquels ils adorent donner de frénétiques et voluptueux bains de poussière. Reda, justement, c'est quelqu'un qui prend garde. Il prend garde à l'espace entre les bâtiments. Il note au passage que la liberté, les libertés que les architectes se permettent sur les hauteurs des façades, qu'a priori peu de gens regardent, manière aussi d'inciter le lecteur, quand il aura laissé son livre de Reda, en sortant, de lever le nez. L'architecture, justement, est appréhendée non pas comme une clôture, mais comme une manière d'entrer dans l'espace. Je crois que beaucoup d'entre nous seront sensibles à ces paroles de Dix Ours, un indien Comanche, cité par Jean-Christophe Bailly dans la phrase urbaine. « Je suis né dans la prairie, où le vent souffle librement, et où rien ne peut briser la lumière du soleil. Je suis né dans un pays où il n'existe pas de clôture, où tout respire la liberté. Je veux mourir dans cet espace libre et non entre ses murs. » Mais, comme le note Jean-Christophe Bailly, ce que cette phrase ouvre pour nous qui sommes là entre quatre murs, c'est peut-être justement une idée qui est dans nos murs, ou du moins dans certains d'entre eux, dans ceux qui ont fait autre chose que clore et fermer, ou loger et caser. Ces murs décalés, ouverts, percés, ces labyrinthes sans bord où le jeu avec la limite joue avec l'illimitation de l'espace. Ce sont bien sûr les surfaces portantes de ce que j'ai appelé l'architecture, c'est-à-dire l'art d'entrer dans l'espace. Un art qui, au lieu d'abandonner l'homme à l'espace, l'y accompagne. Ça c'est Jean-Christophe Bailly. Reda regarde la ville entre ses trouées. La ville n'enferme plus, elle ouvre sur le ciel, sur les météores, sur une sorte d'immense église à ciel ouvert, mais aussi sur le fleuve et sur le vent. Reda regarde la ville pas comme un romancier, mais comme un plasticien, comme un musicien peut le faire, c'est un amateur de jazz, en étant sensible à ses rythmes et à ses thèmes et à ses variations. Là encore, j'insiste, pas dans une perspective esthétique, mais dans une perspective de libération. On ne peut nier que la place des Vosges utilise de façon rythmique et harmonieuse un nombre relativement réduit d'éléments, dont le retour, loin d'aboutir à une clôture, exécute une chorégraphie qui libère le spectateur. L'œuvre d'art, ça n'est plus seulement le livre, ni même l'architecture, c'est l'espace de la rue, c'est les mouvements des mains des gens dans la rue. C'est un garage. Reda propose d'exposer la rue de Terre-Neuve tout entière. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce qui se produit comme on le ferait avec une œuvre d'art? La ville de Reda, j'ai presque fini, de même qu'elle révèle en elle la nature, l'espace qui la traverse et la constitue, s'ouvre sans cesse enfin sur toutes sortes de territoires dont l'évocation qui pourrait être vue là encore comme une simple facilité de littérateur, échappe à l'artifice, parce qu'elle est toujours ancrée dans une, avec une grande précision dans telle ou telle spécificité réellement et soigneusement observée de tel marché, de telle rue, de tel quartier, à tel moment. Et de page en page, de quartier en quartier, de moment en moment, on voyage au Gabon, au Brésil, à Sumatra, en Azerbaïdjan. Je pourrais donner plein d'exemples. Il y a la steppe au bout, une poussière soulevée par des galopages de cosaques. Cela le conduit à une capacité qui frôle parfois la préciosité à faire des distinctions, à distinguer les tonalités de quartier en quartier, de moment en moment. Pour faire ça, il faut une participation subjective mais intense de l'observateur qui n'est pas le regard extérieur de l'historien, qui n'est pas le regard du contemplatif, et qui conduit à développer un sens du terrain qui permet enfin un retour au primordial, par-delà l'accumulation de signes secondaires, par-delà le nom des noms, le nom des rues, par exemple, le nom des rues, qui enferment ou restreignent l'expérience de la rue. Reda se méfie beaucoup du nom des rues. Ces rues, obligées de se traiter avec un nom qui n'est pas le leur, mais fréquemment celui de quelques personnages historiques, à toutes sortes de confusions et de compromissions qui se produisent malgré lui dans l'esprit de l'observateur et l'éloignent de la véritable nature de son propos. La ville de Reda, c'est un territoire à nommer. Les mains, celles du poète, celles des gens, parmi tant de millions d'autres, inscrivent dans l'air des signes que les mots ne maîtriseront jamais. Depuis des profondeurs antérieures à la préhistoire, et en quelque sorte, sans nous, elles agissent. Ayant franchi les limites des ruines de Paris, frôlé moult accidents de circulation, passé outre à la fatigue, à la lassitude, on atteint, parfois, ponctuellement, à la liberté des rues. Il règne alors ici la paix qui succède au profond cataclysme, quand leur souvenir même est perdu, et que le ciel de nouveau préhistorique pâture l'ampleur, en fin de compte, extatique du dégât. Le monde entier s'organise en calme tourbillon, de centre s'équilibrant. On retrouve dès lors le sens des célébrations immémoriales. J'aurais aimé, pour terminer, dire un mot de la place de l'écriture dans Reda. Je propose, si on a envie, qu'on en parle après. Je conclurai avec un dernier mot sur la littérature, la place de la littérature dans tout ça, et de Reda. Les livres, excédant peu ou prou les limites avouées par leurs auteurs, Reda avoue les siennes, il a arrêté d'écrire sur la vie. Il me semble que la lecture de Reda constitue une manière de s'éduquer, d'éduquer son regard. Il dit « les perspectives nous éduquent ». Lire Reda, c'est se mettre à son tour en situation de lecture du monde. Ça sert à ça. Et lire vraiment Reda, c'est laisser Reda, laisser les livres pour lire la ville, et par-delà tout le territoire, cette ville dont Jean-Christophe Bailly dit que plus elle est regardée, plus elle devient réelle et distincte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Chiffres.